Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Demain, en Angleterre, dans le Yorkshire, se disputera la première étape de la 101e édition du Tour de France. Franck Ferrand aurait bien aimé être là. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je vois qu'on ne peut rien vous cacher. Ça fait partie en effet de mes rêves d'enfance, suivre un Tour de France. Je pense que ça restera un rêve, parce que c'est évidemment un peu compliqué de faire ça pendant tout le Tour. Toute la durée, c'est long. Oui. Enfin bon, j'aimerais bien quand même au moins quelques étapes. L'année prochaine, on va essayer de mettre ça au point. En attendant, nous allons rendre hommage aujourd'hui à ce grand événement sportif, un des plus prestigieux de l'année à l'échelle mondiale, même si, vous l'aurez compris, nous sommes particulièrement parasités, nous autres amoureux du cyclisme, par le football en ce moment, qui a tendance à s'arroger s'octroyer la part du lion. J'ai demandé à Jean Durie, que vous connaissez bien maintenant, de nous faire profiter de ses lumières sur toute cette épopée du Tour de France. Et à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question d'Albin, qui voudrait revenir sur les origines de la bande dessinée. Eh bien, du vélo, de la bande dessinée, autant dire que c'est déjà le week-end sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le Tour de France est l'enfant de deux passions. Une passion nationale et même nationaliste qui s'est totalement épanouie en France, on le sait, entre le désastre de Sedan en 1870 et le déclenchement de la Première Guerre mondiale il y a 100 ans. Et puis, une passion dont on a oublié à peu près tout aujourd'hui, on ne se rend plus compte de ce qu'a pu être cette espèce de fièvre du vélocipède qui s'est emparée de la France au tournant des années 70-80, 1870-1880, l'invention du pneumatique et de la chambre à air surtout, c'est 1888, donc c'est le moment où le vélo prend une forme qui fait penser à ce que nous connaissons. C'est ce que Jean-Paul Vespini a appelé la vélorution. Pierre Giffard, journaliste au journal Le Vélo, on va y venir dans un instant, écrit dans son livre La fin du cheval, « Voyez où en est la bicyclette. Aujourd'hui, son règne est universel, elle trône dans les palais des rois, elle a conquis les ministères et les ministres, les plus sévères administrations, les plus austères compagnies, l'armée, la magistrature, le clergé, la ville et les champs, tout. C'est un bienfait social, je tiens à la formule, que cette petite machine tant vilipendé jadis. Il y a eu effectivement une sorte d'engouement extraordinaire avec une multiplication des courses, des défis, on va y venir évidemment tout à l'heure, et puis cette création du Tour de France. Alors, vous nous l'avez dit à l'instant, Anissa, le 101e Tour de France va commencer demain dans le Yorkshire. Alors, il a aujourd'hui le Tour de France, ce sont 21 étapes. À l'époque, le tout premier en 1903, c'était 6 étapes seulement. Et alors, vous allez voir, c'était pas des petites étapes. Ça paraît complètement fou, d'ailleurs. Et puis, aujourd'hui, c'est 3664 kilomètres. En 1903, c'était 2500 kilomètres essentiellement. Et évidemment, on me demande de vous le signaler, mais c'est une évidence que Europe 1 sera présent sur les routes du Tour de France, comme elle est présent sur les stades du Brésil. Bien entendu, et notamment, nous vivrons, comme tous les ans depuis 1955, nous vivrons en direct l'arrivée sur les Champs-Élysées. En tout cas, en 1955, c'était pas encore sur les Champs-Élysées, mais bon, nous vivrons cette arrivée en direct le 27 juillet prochain. Alors 1903, le 19 juillet 1903, le quotidien L'Auto, qui est l'ancêtre du journal L'Équipe, c'est un tout petit peu résumé de dire ça, mais enfin en gros c'est ça, annonce la création de ce Tour de France cycliste avec ses 2500 et quelques kilomètres à parcourir. Course tout à fait inédite, vous imaginez, d'une ampleur jamais vue encore. 6 grandes étapes, Montgeron, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes et puis Paris. Enfin Paris, on arrivera exactement à Ville-d'Avray avec des étapes qui pour certaines peuvent faire 423 kilomètres entre Marseille et Toulouse, 425 kilomètres entre Bordeaux et Nantes, 471 entre Nantes et Paris. Une course qui va se dérouler pendant 19 jours avec un départ le 1er juillet 1903 et une arrivée le 19. Cette course n'est pas censée relever seulement de l'exploit sportif. On peut dire que derrière, c'est tout un contexte qu'il faut appréhender. Et notamment, c'est tout le climat particulier suscité en France depuis une dizaine d'années à l'époque par l'affaire Dreyfus. La presse, vous savez, a joué un rôle essentiel dans cette affaire Dreyfus, sur lequel je ne vais pas revenir. Il se trouve que le rédacteur en chef du quotidien sportif Le Vélo, qui s'appelle Pierre Giffard, n'échappe pas à tout ça. Il va rejoindre, lui, le front Dreyfusard et il tente de mobiliser l'opinion publique dans les pages de son journal. Et ça, bien sûr, il y a un certain nombre d'annonceurs qui, eux, sont des anti-Dreyfusards. C'est que la France est à feu et à sang avec cette affaire. Ils ne sont pas du tout d'accord. Parmi ces annonceurs, il y a Albert de Dion, qui est à la tête de ce qui est en train de devenir une grande, grande affaire automobile, les automobiles de Dion Bouton. Lui fabrique également, monsieur de Dion, il fabrique également des bicyclettes. C'est le plus gros annonceur du journal Le Vélo. Et il n'est pas question qu'il continue à soutenir ce journal. Donc, il va créer son propre journal, l'Auto-Vélo. Il réunit un certain nombre de grands noms de l'industrie et il se lance dans cette aventure. Et on nomme un rédacteur en chef qui va être Henri Desgranges, un ancien clerc de notaire avec lequel, sur le cas duquel nous reviendrons tout à l'heure avec Jean Dury. Alors, il y a cette rivalité, donc. De Dion, faut vous le dire, a créé l'Automobile Club de France en 1895 avec un certain nombre d'autres entrepreneurs. Il est également, disons-le, un homme politique, conseiller général de Carquefou en 99. Il est devenu par la suite député. Il deviendra plus tard sénateur en 1923, sénateur de ce qu'on appelait la Loire inférieure à l'époque. Or, le 4 juin 1899, le président de la République, monsieur Loubet, tient une réunion politique à l'hippodrome d'Auteuil. On est là très très peu de temps avant l'annonce du renvoi de l'affaire Dreyfus devant le Conseil de guerre. Les anti-Dreyfusards se disent « mais enfin ça y est, on est en train de perdre, ils se sentent trahis, il y a des émeutes, De Dion est impliqué, il est arrêté, il va faire 15 jours quand même de prison, il est contraint de fermer l'Automobile Club, et vous imaginez qu'en face, Giffard se fait une joie, bien entendu, dans les pages du journal Le Vélo. Il semble inévitable, dit-il, que monsieur de Dion donne sa démission, etc. Donc ça va vraiment très loin. De Dion, effectivement, démissionne de l'Automobile Club. C'est la première, c'est un premier point pour le camp Dreyfusard, mais évidemment, il va y avoir des coups de l'autre côté. De Dion va missionner deux de ses secrétaires pour récupérer un maximum d'exemplaires du journal et les faire distribuer à la sortie des meetings. L'opération de contre-communication fonctionne. Défaite de Giffard face aux urnes. Là, on peut dire que cette fois, la guerre est déclarée. Et le 16 octobre 1900, parution donc du premier numéro de l'Auto-Vélo sur papier jaune. Ça aura un rôle, ça, parce que c'est sans doute la raison pour laquelle on a choisi de donner la couleur jaune au maillot du vainqueur d'étape, vous savez. Desgranges signe cet éditorial. Nous vivons mieux, nous vivons plus vite qu'autrefois. L'Auto-Vélo dira tout cela, le dira sans cesse, le dira un jour, deux jours, toujours le dira sous une forme alerte, gaie, vivante. Il chantera chaque jour vaillamment la gloire des athlètes et les victoires de l'industrie et nous serons complets en ajoutant qu'il ne sera jamais à l'Auto-Vélo question de politique. C'est ça la ligne de défense en fait du camp de Dion, c'est que on dit qu'on ne parlera pas de politique. Ce qui est un moyen de se démarquer de Giffard et de son journal Le Vélo, qui lui en fait de plus en plus de la politique. Les débuts du journal, il faut bien le dire, l'Auto-Vélo, sont difficiles. En 1901, Desgranges rachète au Petit Journal l'organisation de la célèbre course Paris-Brest-Paris, qui avait été créée 10 ans plus tôt. Entre parenthèses, elle avait été créée par Giffard, justement. Et en 1902, l'Auto-Vélo décide de l'organisation de la course Marseille-Paris, très grande course, 938 km évidemment. Desgranges est persuadé que le seul moyen d'augmenter son tirage, c'est d'organiser comme ça des espèces d'événements dont on parle, des événements qui mobilisent l'opinion. Les retombées du Marseille-Paris sont cependant très décevantes. Les ventes du journal stagnent. Le Vélo vend toujours 4 fois plus d'exemplaires. Et au même moment, Giffard intente un procès à l'Auto-Vélo pour plagiat de titre. Et il obtient gain de cause. L'Auto-Vélo va devenir tout simplement l'Auto. On a l'impression que c'est le coup de grâce. En vérité, ça va être le début de l'aventure. Ferrand, aujourd'hui, vous nous emmenez au cœur de l'histoire du Tour de France. Alors Sandrine Violet, dans son Tour de France cycliste 1903-2005, raconte Henri Desgranges réunit son état-major dans les bureaux de l'auto le 20 novembre 1902. Son idée est la suivante. Il faut inventer une épreuve encore plus spectaculaire que Paris-Brest et retour. Seulement, ces journalistes n'ont pas beaucoup d'idées. Géo Lefebvre, le chef de la rubrique, n'a qu'un argument en tête à proposer. Les grandes villes de province réclament les coureurs cyclistes. Après Brest, Roubaix, Bordeaux, Lyon, Marseille, où les emmener? Et soudain, l'idée d'un tour de la France s'impose. C'est l'expression que j'ai employée en premier qui m'a traversé l'esprit ce matin-là, une sorte de réflexe pour ne pas dire autre chose, dira Géo Lefebvre. Desgranges ne rabroue pas son employé, au contraire, il l'invite à déjeuner et ils vont déjeuner au Zimmer, dans un café donc du faubourg Montmartre, et ils vont mettre sur pied ce qui va devenir le Tour de France avec cette annonce dont je vous ai parlé, qui a donc lieu le 19 janvier 1903. C'est dans le petit village de Montgeron, dans l'Essonne, que tout commence. Le 1er juillet de la même année, les initiés évidemment sont au rendez-vous devant l'auberge du Réveil Matin, d'où le tour va prendre le départ. Il faut imaginer évidemment les marchands de nougat et de sucre d'orge qui sont là, les gens qui dansent, qui jouent de l'accordéon, vous voyez déjà à cette époque-là. Bref, c'est la fête du cycle, c'est la fête du vélo d'une certaine manière que ce Tour de France. Il fait une chaleur écrasante. Il faut vous le dire, c'est une véritable canicule ce mois de juillet qui s'étend sur la France ce mois de juillet 1903. Il n'y a que 60 concurrents, candidats qui ont répondu à l'appel de Desgranges, essentiellement des Français. Il y a aussi quelques Belges, des Suisses, des Allemands, un Italien. Mais évidemment, on est vraiment dans quelque chose qui est encore très balbutiant. Il faut imaginer ce que c'est que les vélos de l'époque, déjà, qui pèsent 20 kilos. Il n'y a pas de vitesse comme aujourd'hui. Le frein fonctionne par rétropédalage. Les routes, évidemment, pour beaucoup, ne sont pas du tout goudronnées, asphaltées comme elles ont pu être par la suite. On n'a pas encore le système d'équipe, d'entraîneurs, de soigneurs, etc. Desgranges a misé sur le caractère exceptionnel de la course pour fédérer la population, pour promouvoir par la même occasion ce cyclisme qui doit être au cœur de l'affaire, bien entendu. Le Tour de France, écrit-il, c'est la réunion sur des milliers de kilomètres dans un geste unique d'encouragement et d'applaudissement du bourgeois, du prolétaire, du prêtre, du maître d'école, de l'écolier, de la douce fiancée, du paysan, du noble, de toutes les classes, de toutes les castes et de toutes les classes. Alors, qui sont-ils les coureurs du Tour de France? Ben, on le verra dans un instant avec Jean Durie, on verra qui était ces premiers candidats. Mais ce qui veut vous dire que c'est qu'il y a un peu de tout, évidemment. Et puis, ils ont tous très vite un surnom, parce que évidemment, ils ont un métier dans la vie civile, ces gens-là. Alors, par exemple, vous avez François Monachon, 32 ans, on l'appelle le pédaleur du talon. Lui a déjà participé aux 6 jours en Amérique, par exemple. Le Tourquinois Émile Pagy, qui a 20 ans seulement, est surnommé le prince des mineurs. Lucien Potier, 20 ans lui aussi, c'est le boucher de Sens. Ça va être d'ailleurs la grande révélation de l'épreuve. Il la terminera sur la deuxième marche du sur la deuxième marche du podium à Paris. Alors ils ont chacun un peu son allure et son style, bien entendu. Il y a le trapu Maurice Garin, qu'on appelle le ramoneur, qui est le vainqueur du Paris-Brest et retour 1901, le vainqueur du dernier Paris-Roubaix, Hippolyte Aucouturier, est un peu le chouchou de la presse, etc. On va les suivre, bien entendu. Desgranges est fier, il a réussi son coup, disons-le. Nos coureurs vont rencontrer des inutiles, des inactifs, des paresseux, dit-il, dont la gigantesque bataille qu'ils vont déclarer va réveiller la torpeur, qui vont avoir honte de laisser leurs muscles s'engourdir et qui rougiront de porter une grosse bedaine quand le corps de ces hommes est si beau du travail de la route. Vous voyez un peu la philosophie qui accompagne tout ça. Un seul journaliste va vraiment suivre l'événement, c'est le fameux Géo Lefebvre, correspondant de l'auto, qui est donc l'inventeur, si on peut dire, du projet. La radio ne suivra le tour qu'à partir de 1929, évidemment. Quant à la télévision, elle commence, et encore de façon très lointaine, à le suivre à partir de 1948, mais on ne suit vraiment le Tour de France à la télé qu'à partir de 52. Alors, Lefebvre avait interdit toute automobile sur la course. Seule celle de la revue sportive est autorisée. Elle précède le peloton pour annoncer l'arrivée des sportifs dans les villes. Bon, il faut vous dire que la circulation en 1903, c'est pas, ça va, on arrive encore à passer. Au moment des courses cyclistes, le coureur avait droit d'être précédé par son entraîneur dans son auto. Le coach se chargeait du ravitaillement, d'assurer une bicyclette de rechange en cas de nécessité, etc. Il ouvrait la voie à son poulain. Jean-Paul Vespini nous dit « C'est ainsi qu'on vit en 1897. Le français Gaston Rivière s'imposait dans Bordeaux-Paris derrière l'auto du célèbre René de Knyff qui lui servait de lièvre, ce qui provoqua la colère du grand battu Hollande. » qui s'appelait Cordang, qui déclara avec humour à sa descente de machine « Avec une automobile, je me charge de faire gagner la course à ma mère ». Ben oui, parce qu'il y en a qui allaient même jusqu'à s'accrocher à la voiture, bien sûr, vous l'aurez compris. Donc, en l'occurrence, on décide qu'il n'y en aura pas du tout, tout simplement, sur le parcours de ce premier Tour de France. On missionne par ailleurs 2000 bénévoles qui vont être des contrôleurs de la course, qui sont postés tous les kilomètres et leur rôle est d'assurer de la régularité de la course, que tout va bien, qu'il n'y a justement pas de tricherie et de tricheurs. Quelles ont été les grandes étapes, quelles ont été les grandes difficultés de ce tout premier Tour de France? Nous y venons dans un instant. Jusqu'à 15h sur Europe 1, Franck Ferrand vous fait vivre l'histoire du Tour de France. Vous pouvez bien sûr réagir à l'émission et envoyer vos messages sur la page Facebook de Au cœur de l'histoire, sur Twitter également avec le hashtag ACDH sur le compte de Franck Ferrand ou sur europe1.fr. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et à la veille du départ de la 101e édition, Franck Ferrand, vous nous faites découvrir l'histoire du Tour de France. Alors, je vous ai dit qu'on avait posté sur le trajet, sur le parcours de ce premier Tour de France, celui de 1903, quelques 2000 bénévoles qui étaient chargés de contrôler la régularité de la course. Ça n'empêchait pas certains de filouter, bien entendu. Le coup le plus spectaculaire est l'affaire du train, raconte Gérard Holtz. Les commissaires de course, pour devancer les meilleurs, prenaient le train en direction de Lyon. Géo Lefebvre avoue le 2 juillet, l'arrivée, eh bien je l'ai manqué. Ce Garin et ce Pagy m'ont précédé à Lyon sur leur simple bicyclette, tandis que je roulais dans l'express. Garin et Pagy, évidemment, n'ont pas triché. En revanche, de petits malins, eux, se sont fait prendre. Les commissaires, quittant le train, virent quelques coureurs descendre des wagons avec leurs vélos et prestement se remettre en selle pour rejoindre l'arrivée. Ah oui, c'était folklore, le tout premier Tour de France, vous pouvez bien l'imaginer. Le premier col est franchi lors de la seconde étape entre Lyon et Marseille. Oui, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Le col de la République au sud de Saint-Étienne qui culmine à plus de 1000 mètres d'altitude. C'est le grand retour à ce moment-là d'Hippolyte Couturier. Hein, je vous en parlais tout à l'heure. Il avait déclaré forfait lors de la première étape en cause de terribles maux de ventre qu'il attribue à un empoisonnement. Le journal Le Monde Sportif écrit « Au couturier que la guigne poursuivait depuis le commencement de la course a avalé au contrôle de Nevers une drogue qui ne lui était pas destinée. » Le voilà remis sur pied. Après quelques jours de repos, il est autorisé à participer à l'étape suivante. Aujourd'hui, il est impossible, hein, c'est interdit de poursuivre la course si l'étape précédente n'a pas été bouclée. Mais enfin bon, il est cependant exclu du classement général, évidemment, au couturier. Il va également remporter l'étape suivante Marseille-Toulouse. Cependant, pas de maillot jaune pour lui, puisque le maillot jaune, il n'apparaîtra qu'en 1919. Toulouse-Bordeaux, c'est l'étape la plus courte. Elle est remportée par le Suisse Charles Lézère. Puis l'étape donc Bordeaux-Nantes avec une première victoire de Maurice Garin. Deuxième victoire de Maurice Garin sur Nantes-Paris. Il n'y a plus à ce moment-là que 21 concurrents en lice. Et l'arrivée se fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, le 19 juillet à Ville-d'Avray, tout près de Versailles. L'envoyé spécial de l'auto, Alphonse Ténès, n'en revient pas. Il y avait du monde partout, dit-il. Aux fenêtres, sur les trous, sur les toits, dans les arbres, à bicyclette, en voiture, à cheval, à pied, jamais il ne me fut donné de voir un pareil enthousiasme. Les femmes brandissent leurs ombrelles, les hommes agitent leurs chapeaux, j'ai vu des spectateurs pleurer, Garin demande s'il ne pourrait faire le trajet jusqu'au vélodrome en voiture, déclarant ne pas vouloir se faire tuer par une foule trop enthousiaste. Évidemment, pas de télé, pas de radio à l'époque, ce sont les correspondants eux-mêmes qui vous disent ce qu'ils veulent bien, et là en l'occurrence, vous pouvez imaginer que l'envoyé spécial du journal Loto va faire un peu monter la sauce. On estime néanmoins à 100 000 curieux le nombre des amateurs, des spectateurs qui sont venus acclamer les fous du guidon. Maurice Garin, je vous l'ai dit, est victorieux. Il franchit la ligne d'arrivée après avoir pédalé sans relâche pendant l'ensemble de la course, pendant l'ensemble du tour. durant 93h33. Les participants ensuite se rendent au Parc des Princes pour un tour d'honneur, une remise des prix. On peut dire que ce tout premier tour a réussi son objectif, a rempli son objectif, puisque effectivement les ventes du journal Loto ont tout simplement triplé. L'édition de spéciale du 19 juillet a même été tirée à 135 000 exemplaires dont on dit qu'il se serait vendu en moins de 7 minutes. Vous me permettrez d'être un tout petit peu dubitatif. La première déception, elle concerne la mobilisation. En fait, au cours du tour, à peine 350 personnes à Marseille, 1 millier à Lyon. Il a, heureusement qu'il y a eu cette espèce de mouvement de foule extraordinaire aux abords de Paris. Mais pour le journal Loto, c'est une victoire. Le journal Le Vélo, disons-le, ne se remettra pas de cet affront. Il va cesser de tirer en 1904. Autant dire que le camp de Monsieur de Dion a marqué une première grande victoire. Bonjour Jean Dury. Bonjour. Alors j'ai parlé de ce tout premier Tour de France, ce qui va nous intéresser avec vous, ce sont tous les autres évidemment et les extraordinaires souvenirs qu'ils ont laissés aux Français. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et aujourd'hui, Franck Ferrand, vous recevez Jean Dury, écrivain, historien du sport, auteur notamment de la véridique Histoire des géants de la route aux éditions Edita de Noël. Je disais, Jean Dury, pour commencer cette émission, qu'on n'a plus du tout conscience aujourd'hui de l'importance du vélo au tournant du XXe siècle. C'était vraiment on peut dire que c'était le premier véhicule des Français. Oui, l'âge d'or du cycle, il date à peu près de 1895, mm-hmm. où à ce moment-là, les gens de la haute société sont entichés de la bicyclette, voilà. Et puis au début du XXe siècle, ils vont aller vers l'automobile. Alors, je reviens un instant sur ce premier Tour de France dont on a parlé. Alors d'abord, en toute équanimité, il faut rendre à Villeneuve-Saint-Georges ce que Villeneuve-Saint-Georges mérite. Parce que l'auberge Le Réveil Matin et les premiers coups de pédale du premier Tour de France ont été à Villeneuve-Saint-Georges sur la route de Montgeron. Alors ensuite est partie cette aventure assez incroyable. Ce feuilleton naturel qui va s'imposer et qui va faire le succès, ces courses par étapes qui tout le temps renouvellent l'attention du public, et Maurice Garin était nettement au-dessus du lot. Il courait pour les cycles La Française et il a gagné donc 3 des 6 étapes de ce premier Tour de France. Et quand il est arrivé à Paris, vous avez cité tout à l'heure la révélation de l'épreuve, le boucher de sens, Lucien Potier, il avait tout de même 3h49 de retard sur Garin. Excusez du peu. Le troisième était à... Bon. Et alors, rendons hommage aux 21 arrivants, et en particulier aux 20e et aux 21e d'Evage et Miochaux, qui eux aussi ont franchi la ligne d'arrivée à Ville-d'Avray, puisqu'à l'époque, vous l'avez bien souligné, une fois franchi l'arrivée, les coureurs doucement se rendaient vers le Parc des Princes, le premier du nom, qui était toujours au même emplacement. Pour aller faire une sorte de petit triomphe, en fait. Tour de triomphe. Et bien entendu, comme par hasard, le vélodrome du Parc des Princes appartenait à Henri Desgranges, qui en était le directeur, avec pour trésorier Victor Godet. Et ça, c'est important parce que Victor Godet, c'est le père de Jacques Godet, qui plus tard sera le fondateur de l'équipe, dont vous avez bien souligné que c'est l'héritier. Une filiation, voilà, c'est ça, oui. De l'autre. Alors, ce premier Tour de France a été un relatif succès, un très grand succès de presse, ça c'est sûr. Un succès au moment de la dernière étape. Bon, même s'il y a eu, alors, je ne suis pas entré, j'aurais bien aimé avoir le temps d'entrer dans tous les détails, toutes les péripéties, parce qu'il y a eu toutes sortes de choses bizarres, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça s'est fait dans une sorte d'anarchie quand même, il faut bien le dire. En 1904, ça marche pas tellement bien et Desgranges en 1905 se demande même s'il va pouvoir continuer. Alors, en 1904, le jour de l'arrivée, Desgranges écrit dans un de ses éditoriaux fameux, le tour est terminé et je le crains bien, cette seconde édition aura été la dernière. Il sera mort, nous sommes en 1904, de son succès, des passions aveugles qu'il aura déchaînées. Parce que, au sommet du col de la République cette année-là, les coureurs avaient été assaillis et il avait fallu tirer à coups de revolver pour faire passer les coureurs. Il y avait eu de très très graves incidents à Nîmes autour d'un coureur païen qui avait été mis hors course. Et finalement, l'Union Vélocipédique de France mit hors course les 4 premiers. Maurice Garin avait renouvelé son succès et il protesta jusqu'à sa mort dans les années 50 contre ce qu'il considérait comme une grande injustice, parce qu'il était vraiment un très grand coureur. Et c'est le 5e, un certain Henri Cornet, qui n'avait pas 20 ans, Henri Cornet dit rigolo, qui devait par ailleurs gagner plus tard un Paris-Roubaix, qui a été déclaré vainqueur et qui restait à jamais le plus jeune vainqueur de l'histoire du Tour de France. Alors en 1905, la première étape Paris-Nancy a été parsemée de clous semés volontairement sur la route. Et ensuite, les choses se sont normalisées et alors le Tour de France va prendre son essor avec la première grande montagne qui n'est plus le Col de la République mais qui est le Ballon d'Alsace en 1905 et 1906, la Chartreuse en 1907 et puis les Pyrénées en 1910, la fameuse étape Bayonne-Luchon. À l'époque, je disais que les vélos étaient très, très lourds. Oui, il fallait plutôt 15 kilos que 20 kilos, comme vous l'avez dit. Mais, mais il y avait tout un petit équipement. Il fallait que le coureur répare lui-même quand il avait des problèmes. Ah, bien entendu. Parce que il n'y avait pas que l'épreuve strictement sportive. Il y avait quasiment une épreuve d'aventure. Il y avait l'épreuve du matériel. La compétition était déjà celle qui, comme ça a été plus tard pour l'automobile, permettait au matériel de progresser. Et alors, vous avez évoqué tout à l'heure, et ça a pu troubler quelques auditeurs, le fait qu'on puisse changer de machine. Mais changer de machine, ça c'était dans un Bordeaux-Paris. Oui, voilà, dans les autres courses. Mais le changement de machine était totalement interdit dans le Tour de France. Et c'est ce qui a expliqué les fameux accidents d'Eugène Christophe, le premier grand non-vainqueur du Tour. Eugène Christophe, c'est un personnage, dit le vieux Gaulois, qui aura été le premier porteur du maillot jaune en 1919, mais qui s'est rendu célèbre en 1913, car il casse sa fourche, il était en tête du classement général au sommet du Tourmalet, et il va faire 10 km à pied pour atteindre Sainte-Marie-de-Campan. Il reforgera lui-même sur la forge, et en n'ayant pas le droit d'être aidé, sa fourche cassée. Il terminera l'étape à 4 ou 5 heures de retard et tout de même arrivera à Paris. Donc il était formellement interdit de changer de machine. Et d'autre part, et c'est ce qui explique aussi l'amélioration des moyennes, au départ, les premiers Tours de France sont en pignon fixe. On est obligé de pédaler tout le temps. Le frein est un frein sur le pneu de la roue avant. Bon. Vers 1907, on commence à accepter la roue libre dans les descentes de col. Alors vous imaginez ce que c'était que descendre des cols en pignon fixe. Oh, on était obligé de pédaler tout le temps ou de mettre les pieds sur la tête de fourche et vous imaginez le danger moteur, si je puis dire. Mais Desgranges, qui avait été lui-même un coureur dans les années 1890, considérait en particulier que le dérailleur était une tricherie. Les coureurs devaient choisir leur développement une bonne fois et ce n'est qu'en 1937 qu'il autorise le dérailleur, le changement de vitesse. Et à partir de ce moment-là, évidemment, les moyennes vont s'améliorer. La moyenne du premier tour, c'est de l'ordre de 24 km/h et 283. En 1910, c'est 28 km/h. On atteint 31 km/h de moyenne qu'en 1935, c'est le Belge Romain Mas. Puis ensuite, les moyennes n'ont cessé d'augmenter. Aujourd'hui, on est autour des 40 km/h. Il y a un grand saut. C'est lorsqu'on passe de la compétition par coureur à la compétition par équipe. Ça va tout changer quand même. Oui et non, parce qu'au départ, c'était censé être une formule individuelle, mais en réalité, dans la vérité des courses, c'est pas possible, parce que le sport cycliste, c'est un sport qui se caractérise par le fait que c'est un sport individuel, mais que la notion d'équipe est fondamentale. Donc, malgré le règlement, les coureurs des mêmes marques, bon. Mais ensuite, les marques de cycle se sont peu à peu imposées. Ça a amené à certaines situations très équivoques, en particulier dans le Tour 1929, où le Belge Maurice De Waal sur Alcyon n'a pas été attaqué par le Belge Jeff de Muser sur Génial Nutifère, d'où l'événement qui va se passer en 1930. Parce qu'en 1930, Desgranges en a assez de ces genres de combinaisons. Et donc, tout d'un coup, pendant l'hiver, il annonce que le Tour de France va se courir par équipe nationale. Alors ça, c'est une révolution. Ça veut dire que l'auto prend tout à fait à sa charge l'organisation, crée à cette occasion la caravane publicitaire, parce qu'il faut de nouvelles ressources. Et à ce moment-là, ça va être vraiment la gloire du Tour de France. Le Tour de France est célébrissime. La victoire d'Henri Pélissier en 1923, ça a fait courir les foules. Mais de 1924 à 1929, ce ne sont que des victoires étrangères. Et alors, en 1930, il y a les équipes nationales, la France en maillot tricolore, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne. Et l'équipe de France, emmenée par André Leduc, s'adjuge le Tour de France 1930. Et de 1930 à 1934, ce ne sont que des victoires françaises, Antonin Magne, Speicher, Leduc encore une fois, Et à ce moment-là, le tirage de l'auto monte jusqu'à 733 000 exemplaires par jour. Oh là là, l'auto, oui. le jaune, qui depuis Belle Lurette, vous l'avez dit, a coulé le vert, c'est-à-dire Pierre Giffard. Il y avait aussi à l'époque le vélo de Pierre Giffard, il y avait aussi un journal rose, etc. Mais bon, l'auto a triomphé et maintenant le Tour de France, c'est celui à la limite qu'on connaît aujourd'hui avec toute la France et de nombreux étrangers au bord des routes. Je vous propose, Jean Durie, d'entendre un témoignage. C'est le conducteur de la voiture balai du Tour de France en 1972. Il s'appelait Paul Cartigny. Il est au micro Europe 1 de Pierre Douglas. Quand vous transportez des coureurs qui viennent d'abandonner, qu'est-ce qui vous frappe le plus lorsqu'ils montent dans la voiture? C'est quand ils pleurent ou ils sont fatigués. On voit, ils souffrent, ils peinent et ils veulent quand même essayer de continuer pour ne pas monter dans la voiture balai parce qu'il vaut quand même mieux être éliminé que d'être abandonné. Alors c'est vous quand même mieux. Oh, on ne l'épouse pas, mais enfin, quand on voit que ça ne va plus, on leur dit qu'il faut arrêter. Quand on voit un homme qui est prêt à tomber ou autre chose, il faut bien le faire arrêter, pour plutôt qu'avoir un accident. Ils sont courageux, les derniers? Ah oui, ils sont courageux. Regardez, dans l'étape des Pyrénées, là, de Bayonne-Pau, il avait fait un gros orage. Et il y en a un, il a été décroché dès le départ, et il a fini toute l'étape, il avait 1h30 de retard. Il a été éliminé, le pauvre malheureux, mais il n'a pas voulu monter. On sait de quand elle date à peu près cette voiture balai, Jean Durie? La voiture balai, c'est une bonne question. Je ne sais pas exactement, mais c'est au cours des années 30, finalement. Oui, c'est ça. Et c'était une voiture qui était vraiment ornée d'un balai. Oui. Et donc, elle portait parfaitement son nom. Et c'est la cour des misères. C'est l'abandon, c'est ce qu'il y a de plus triste pour un coureur. Parce que pour tout coureur, le Tour de France, c'est la course et le maillot jaune. C'est le Graal, bien entendu. Et alors là, je voudrais souligner pour les auditeurs que ce qu'il faut comprendre, c'est que le coureur qui arrive le dernier classé à Paris, eh bien, c'est un champion, c'est un grand coureur. Mais bravo de le souligner. Il ne faut jamais manquer une occasion de le dire. Dans un instant, nous arrivons justement aux célèbres coureurs, aux gloires qui ont marqué l'épopée du Tour. Franck Ferrand, vous recevez aujourd'hui Jean Durie, historien du sport, fondateur du Musée National du Sport et auteur de l'encyclopédie Tout sur le vélo chez De Noël. Alors Jean Durie, quels sont selon vous les grands du Tour de France? Quels sont les grands noms qu'il faudrait retenir? Le jour où vous écrirez, vous avez déjà consacré un certain nombre de grands ouvrages au Tour de France, la véridique histoire des géants de la route chez De Noël, en cycle, avec un jeu de mots, en cyclopédie, tout sur le vélo également chez De Noël. Le jour où vous ferez la saga définitive du Tour, lesquels retiendrez-vous? Ah non, mais de toute façon, cette saga définitive, elle a été écrite d'innombrables fois, parce que le Tour de France, c'est vraiment un des sujets qui suscite une profusion de livres. Et les deux ouvrages que vous avez cités, ils allaient bien au-delà du Tour de France, c'était l'ensemble de l'histoire du cyclisme sur route depuis 1868, et puis c'était tous les aspects du vélo. Alors, les grands champions, nous en sommes maintenant à la 101e édition. Donc des champions, il y en a beaucoup, bien entendu. Mais alors, si on se place après la Seconde Guerre mondiale, on va avoir évidemment Louison Bobet, qui était le panache incarné. Alors, le premier triple vainqueur du Tour de France, ça avait été le Belge Philippe Theys, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, qui était quelqu'un de très intelligent, très astucieux, grand rival d'Henri Pélissier, qui avait gagné en 1913, 14 et 1920. Mais Louison, lui, a été le premier après diverses tentatives infructueuses. Il a été le premier à gagner trois Tours de France de suite, 1953 à 1955. Et puis ensuite, on en vient bien entendu à Jacques Anquetil. Alors Jacques Anquetil, c'est la pureté du style incarné. Tout petit coureur, comme j'ai pu l'être moi-même à un niveau extrêmement modeste, était en admiration devant la perfection du style d'Anquetil, qui en même temps avait une volonté absolument farouche et va être le premier à gagner 5 Tours de France entre 1957 et 1964. Après, il y aura bien entendu Eddy Merckx. Eddy Merckx dit le cannibale, qui aura porté dans sa carrière 97 journées le maillot jaune, le paletot, comme disait André Leduc. Derrière lui, dans ce classement en particulier, vient un certain Lance Armstrong, parce que si on a supprimé Lance Armstrong de tous les palmarès entre 1999 et 2005, 7 maillots jaunes à l'arrivée à Paris tout de même, il avait porté, lui, le maillot jaune, 76 journées. Ensuite, c'est Hino, c'est Indurain et c'est Anquetil. Bon, alors on a parlé de Merckx, et bien entendu, on en vient à Bernard Hino. Bernard Hino, l'homme de granit, lui aussi, c'est 5 victoires entre 1978 et 1985, malgré des adversaires comme Laurent Fignon, par exemple, ou l'Américain LeMond. Parce que pour l'instant, je n'ai parlé que des Français, mais il y a bien entendu, ce qui fait la valeur du Tour de France, ce sont les grands champions étrangers. C'est un Fausto Coppi, c'est un Hugo Koblet, c'était avant un Gino Bartali, bien entendu. Et ce sont tous ces hommes qui ont donné toute leur valeur au succès des coureurs français. Nous sommes maintenant actuellement au début des années 80. Alors, à la fin des années 80, voilà l'arrivée du Tour de France le 23 juillet 1989. Le reporter d'Europe 1 s'étrangle littéralement au micro, vous allez l'entendre. Jean-René Godard. Fantastique suspense! Fantastique suspense! Il n'y a que le sport, que le Tour de France pour nous réserver des émotions pareilles! Le temps de Greg LeMond, rappelons-le, 26-57, il s'agit du meilleur temps. Greg LeMond qui, il y a 2 ans, était entre la vie et la mort. Greg LeMond qui a porté le maillot jaune dans ce Tour de France pendant cette étape, qui en a été dépossédé à 2 reprises par Laurent Fignon. Greg LeMond qui n'a jamais perdu contre la montre face à Laurent Fignon. Attention, 27-40, 27-42. Il faut que Laurent passe, j'ai à mon chronomètre, 2-48, 2-40, 2-50, c'est fini. Laurent Fignon a perdu le Tour de France. C'est terminé. Greg LeMond a gagné le Tour de France. Voilà Laurent Fignon qui passe. Attention, tape. 2,58 pour 8 secondes. Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Dans la dernière étape, jamais de ma vie, je n'oublierai ce moment. Là, Laurent Fignon non plus ne l'a pas oublié, ça a marqué sa vie, car à la limite les gens se souvenaient presque plus, par rapport à tous ses succès et 2 victoires dans le Tour de France, de ce dénouement absolument brutal où entre Versailles et Paris, pour cause d'induration et parce que LeMond avait un guidon de triathlète qui était à peine autorisé par les commissaires et qui lui permettait un aérodynamisme que n'avait pas Fignon sur sa machine, Fignon perd le Tour de France pour 8 secondes. C'est le dénouement le plus poignant. Encore qu'il y ait eu d'autres dernières étapes. Bon, alors après Fignon vient quelqu'un comme Miguel Indurain, avec une pureté de style et qui réussit à hisser dans l'école un corps de quelques 80 kilos et qui a eu la noblesse de ne jamais dire du mal d'un de ses adversaires. 1991-1995, 5 Tours de France d'affilée. Mais c'était des Tours de France un petit peu ennuyeux. Ensuite est venue l'époque d'Armstrong, nous n'y reviendrons pas. Et puis on arrive aux champions d'aujourd'hui, et en particulier à l'Espagnol Alberto Contador, qui est un grand coureur, un grand grimpeur, quelles qu'aient été certaines de ses vicissitudes. Et puis, bizarrement, l'ère anglo-saxonne, avec un Australien Cadel Evans, le Britannique Bradley Wiggins, et l'an dernier, Froome, qui est de nouveau cette année au départ contre Contador. Alors ce sont les deux favoris cette année, évidemment. En bonne logique, l'Italien Nibali est aussi un bon coureur, mais quand reverrons-nous un coureur français en mesure de lutter pour avoir une chance de revenir à Paris avec le paletot jaune? Ça, c'est une question qui n'est pas encore résolue. Il y a 2 aspects du Tour de France sur lesquels j'aimerais qu'on vienne et qui ne sont pas spécifiquement sportifs. Alors, il y en a un d'abord parce que j'ai des messages de partout, sur Twitter, sur Facebook, sur le site, etc., qui parlent de dopage, de dopage, de dopage. Alors, un mot là-dessus peut-être, Jean Dury? Un mot là-dessus. Eh bien, je vais vous dire que en 1930, comme on l'a dit, l'auto prend tout à sa charge. Et l'auto fait signer des contrats aux coureurs. Eh bien, dans l'article 5 de ce contrat, on parle des soins pharmaceutiques qui seront pris en charge par l'organisateur, ce sont ceux prescrits par le médecin du tour, etc. Et il est expressément dit ceci, les fortifiants, reconstituants, drogues, etc. ne sont pas compris dans cette appellation de soins pharmaceutiques normaux et demeureront à la charge du coureur. La charge, c'est le cas de le dire. Autrement dit, le problème du dopage n'est pas un problème nouveau. À l'époque, oui. Mais où c'est devenu absolument tragique, et ça touche absolument tous les sports, car bien entendu, on jette toujours l'anathème sur le vélo, mais ça touche aujourd'hui tous les sports, et ça touche toute la société, car nous sommes une société de pharmacopée. Et quelles sont les campagnes des hommes politiques s'ils n'étaient pas soutenus par certains produits? Donc, on en est arrivé maintenant à des procédés de transfusion de sang, d'utilisation de substances qui changent presque l'individu, où évidemment, ça va trop loin. Et pourtant, le public continue d'être là au bord des routes. Parce que c'est ça qu'il faut dire. C'est le deuxième aspect, oui. C'est voilà, la caravane, si je puis dire. Mais pas seulement la caravane, mais le Tour de France, il arrive en été, en juillet. C'est un moment de bonheur où on s'assied au bord des routes, on assiste à ce grand jeu, on en est spectateur et animateur. Donc c'est quelque chose d'heureux et qui reste tel pour le public, quels que soient les problèmes. Et le public d'ailleurs accepte de voir aussi des coureurs étrangers gagner plus que des coureurs français. Une dernière chose, ou presque, que je voudrais dire, c'est que le public est aussi sensible à l'effort des coureurs, parce que tout le monde est plus ou moins monté une fois dans sa vie sur une bicyclette, et on comprend que l'ascension d'un col, ça n'est pas facile. En revanche, ce que le public ne sait pas forcément, c'est que quand il y a 50 mètres d'écart entre deux coureurs, on se dit, ils sont ensemble. Pas du tout. Il faudra parfois des kilomètres et des kilomètres pour que celui qui est derrière comble l'écart qui le sépare du prédécesseur. Les coureurs sont quasi tout le temps à bloc. Et c'est ça que le public tout de même ne comprend pas forcément, mais ressent. C'est une des raisons du succès du Tour de France. Le Tour de France dont, vous l'avez compris, je suis tout de même un des amoureux. Ah oui, là, vraiment, et vous nous le faites partager cet amour. Il y a toute une, on pourrait dire, une culture du Tour de France, au-delà même de l'épreuve sportive stricto sensu. Il y a une culture du Tour de France, parce qu'il y a tout ce qui l'entoure, il y a les arrivées, il y a les hôtels. Ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui de voir un coureur, parce que le village des invités au début du tour, au début de l'étape, ne voit pas. Ça commence, parce que c'est tellement énorme, ce sont 5000 personnes qui, tous les jours, vont d'étape en étape, de ville en ville. Mais il y a tout de même cette atmosphère de fête que j'ai évoquée. Et un symbole entre tant d'autres, c'est celui de la popularité, de la popularité de Raymond Poulidor, qui, à travers le temps, lui qui a gagné tellement de courses, mais qui n'a jamais gagné le Tour, d'où sa réputation de second, qui est injustifiée, mais il reste aujourd'hui une personnalité extraordinairement populaire, parce que les gens admirent ce qui était un vrai coureur. Bravo de clore sur Raymond Poulidor, que nous saluons très chaleureusement. Merci beaucoup Romain Duris, Jean Duris. Romain Duris, ce sera pour une autre fois. Oui. Le Tour de France commence demain en Angleterre, bien entendu. Oui. Et évidemment, il y a la concurrence de cette Coupe du Monde de football. Il faudrait pas oublier le vélo pour oui, autant. Oui, mais quand arriveront les Vosges, les Pyrénées, les Alpes, les Pyrénées, nous saurons depuis longtemps qui est le vainqueur de cette Coupe du Monde de football. Et puis nous parlerons d'Alain Mimoun lundi. Décidément, que de sport en ce moment au cœur de l'histoire. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, Franck Ferrand vous dévoile les origines de la bande dessinée. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, il s'agit d'une question d'Albin via la page Facebook de l'émission. Bonjour Franck, pourriez-vous nous parler des origines de la bande dessinée ? Merci. Alors on pourrait remonter, pourquoi pas, à la broderie de la reine Mathilde, fleuron de Bayeux, mais plus directement, c'est en 1827 que j'irai chercher la première bande dessinée. On appelait ça une histoire en estampes à l'époque, et c'est Rodolphe Töpffer, un Suisse Töpffer, qui avait écrit cette histoire de Monsieur Jabot, avec des planches de 3 ou 4 dessins qui étaient juxtaposés et complétés d'une légende. Ce petit livre, disait-il en préface, est d'une nature mixte. Il se compose de dessins autographiés au trait. Chacun des dessins est accompagné d'une ou deux lignes de texte. Les dessins sans le texte n'auraient qu'une signification obscure. Le texte sans les dessins ne signifierait rien. Eh bien voilà, Töpffer avait, peut-être presque sans le vouloir ou le savoir, inventé la bande dessinée. Gustave Doré va également laisser une bande dessinée en 1846 sur les 12 travaux d'Hercule. La bande dessinée dans les journaux, notamment avec une dimension satirique, va se répandre à la fin du 19e siècle, mais le 9e art tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec les phylactères, autrement dit les bulles, etc., n'apparaît qu'en 1896 dans The Yellow Kid de l'américain Richard Outcott. C'est le départ, et en 1905 vous avez Bécassine qui fait son apparition dans le magazine pour fillettes La Semaine de Suzette, le succès de Louis Forton avec ses fameux pieds nickelés. Ça c'était en 1905, voilà pour les origines. Bonjour Elena Mornard. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors destination vacances avec les experts européens, vous n'avez rien réservé, vous aimeriez partir quelques jours en solo, en couple, à plusieurs en France ou à l'étranger? Eh bien, restez à l'écoute, les experts ont sélectionné pour vous les meilleurs plans avec quelques exclus à la clé. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons lundi, chère Anissa. Bon week-end, Franck. Merci. À lundi, les 15h.